Agence matrimoniale de Laetitia Bianchi. Épisode 4. Le chaud et le froid. Les agences matrimoniales sont bêtes. Elles cherchent la chaleur humaine là où on veut l'entente thermique. Elles cherchent un soleil au beau fixe alors qu'on veut des orages et la mousson. Combien de couples se séparent parce qu'elle veut ouvrir la fenêtre et qu'il a peur des courants d'air ? Dorénavant, c'en est fini de ces malentendus. Vous lui tendez un pull et une émotion. Il a 10 secondes pour se décider à avoir trop chaud, trop froid ou trop tiède. Bon, j'ai lu votre dossier, c'est bien. Je vois à peu près le profil qu'il vous faut. Mais il me manque quelques éléments déterminants. Question pull. Vous souhaitez quoi, mademoiselle ? Un frileux ou un calorifobe ? Un quoi ? Un calorifobe, un thermophobe, un homme qui craint la chaleur, qui met des glaçons dans la bière, qui met la clim avant même d'allumer la radio dans la voiture, qui... Je m'en fous, moi. Mmh. Alors ? Je m'en fous, moi, je vous dis qu'il est trop chaud ou trop froid. Vous en foutez ? Oui. Elles disent toutes ça. Je m'en fous, je veux l'amour, je m'en fous. Et c'est les mêmes qui viennent pleurnicher 20 ans plus tard en disant que leur mari tire toute la couette pendant la nuit et que ce n'est plus possible. Écoutez, ma petite demoiselle, je vais vous dire, moi, viendra un moment où il aura froid pendant que vous aurez chaud. Et ce moment-là, il faut l'anticiper. C'est à cela que nous servons. Ben, je sais pas, moi... Donc, reprenons. Il a un rhume, vous êtes en jupe. Vous êtes en jupe parce que c'est le printemps. On est le 25 mars, disons. C'est physiologique, mais pas que. Physiologique, mais pas que. Oui, physiologique, mais pas que. C'est psychologique aussi. Il y a celles qui anticipent l'été et celles qui continuent l'hiver. Deux caractères diamétralement opposés. Et en automne. N'avez-vous jamais porté un gros pull col roulé tout neuf au mois de septembre, juste pour le plaisir de changer de saison, de changer d'habillement, de tourner le dos aux vacances, alors même qu'il fait encore chaud? Ah ouais, c'est vrai, ça, ouais. J'aime bien mettre mes nouveaux pulls. Eh bien, voilà. Vous faites partie de celles qui veulent le lendemain, le jour même. De celles qui vont de l'avant, parfois trop vite. Et pendant ce temps, il y a les autres. Celles qui n'arrivent pas à ranger leur petite robe d'été. Le maillot qui sent encore la mer. Celles qui montrent leur marque de bronzage. Les nostalgiques. Deux caractères absolument opposés, je vous dis. Ah. Ah ben, j'y avais jamais pensé. Eh ben voilà, je suis là pour vous y faire penser, justement. Donc... Parlons de lui maintenant. Plutôt frileux ou calorifobe ? Je sais pas si je comprends. Bon, je vous résume. Pour faire bref, il y a deux catégories. Après, on peut pinailler, entrer dans des subdivisions plus subtiles, mais on n'en est pas encore là. Donc, chaud ou froid, sans aller aux extrémités genre Proust. Mais c'est quoi les extrémités genre Proust ? Vous connaissez Proust ? Ben, ouais, un peu. Enfin, je vois, quoi. Proust. Eh bien, Proust, c'est la vie de la littérature. Mais c'est la mort de la signalisation RATP et donc du couple. Vous connaissez la petite phrase sous les fenêtres des bus ? En cas de désaccord entre voyageurs, priorité est donnée à celui qui souhaite fermer la fenêtre. Sauf que, dans un bus bondé, je sais pas moi, le 84, vous savez, le 84, Panthéon-Concorde, ça, c'est du trajet proustien, le 84. Eh bien, Proust, parfois, l'été, il était pris de folie thermique. De folie oui, oui, mademoiselle, de folie thermique. Il avait froid, vous voyez. Il avait froid, très froid. Comme s'il venait d'un autre pays. D'un pays lointain où il ferait beaucoup plus chaud, un Proust immigré perdu à l'intérieur de lui-même. Tels sont les écrivains, mademoiselle, des gens perdus, perdus à tout jamais dans le monde, perdus à l'intérieur d'eux-mêmes, venant de tellement plus loin et ne se souvenant plus eux-mêmes de pourquoi ils viennent du bout du monde, ayant oublié la métempsychose, et cherchant Madagascar à Belleville, et cherchant l'Écosse à Moscou. Je ne sais pas, moi. Enfin, je m'éloigne. Proust, vous n'êtes pas sans savoir qu'il était du genre à savoir lire. Bah ouais, quand même. Ben oui, quand même, comme vous dites. Alors, une phrase comme « En cas de désaccord entre voyageurs, priorité est donnée à celui qui souhaite fermer la fenêtre. » Ben ouais. Ben ouais. Imaginez donc le Proust contemporain enfermé dans le bus numéro 84 en plein été sous une chaleur de bœuf. Ben, le Proust contemporain, lui, il veut fermer toutes les fenêtres. Et il y a droit. Il y a droit. Et donc, on court droit au scandale. Au scandale. Et ça peut remonter haut, ces choses-là, à notre époque. Il y a le petit numéro de téléphone pour les plaintes, écrit en minuscules, évidemment, mais le Proust contemporain, les minuscules, ça ne lui fait pas peur. Alors il sort son calepin devant tout le monde et il le note, le petit numéro. Et vous, vous êtes là, rouge de chaud et de honte, et revenu à la maison. Vous êtes parti pour des échanges de courriers ou de courriels avec les services concernés de la RATP, qui sont décontenancés, bien évidemment, ce qui ne résout en rien votre affaire. Bref, vous avez sur les bras un mari en prise avec des données socio-juridiques complexes et comme tue l'amour, croyez-moi, on ne fait pas mieux. C'est ça que vous voulez, mademoiselle? Des liasses de courriels sur la réglementation calorimétrique des bus de la RATP? Non. Non, et comme vous dites, avec concision et élégance. Alors, puisque non... Ouais, mais madame, ça court pas les rues, les Proust contemporains, putain. Il y a des gars normaux, non? Enfin, moi, je cherche un gars normal, quoi. Et c'est bien ce que je me disais. Naïve, aussi naïve que les autres. Mais... Ne m'interrompez pas. Oh, toutes les mêmes à 20 ans. Vous croyez quoi? Que parce que votre gars est normal, ce ne sera pas le Proust contemporain, thermiquement parlant? Vous croyez qu'au fond de leur corps, les hommes ne sont pas tous aussi complexes? Vous croyez que parce qu'il ne sait pas écrire 3 phrases d'affilée, il ne saura pas grelotter ou s'échauffer sans raison apparente? Vous croyez que la prétendue normalité le met à l'abri d'avoir froid quand vous avez chaud, chaud quand vous avez froid? Je vais vous dire, mademoiselle, si le monde était aussi simple, ce serait trop beau et trop laid à la fois. Mais alors... S'il y a des mecs genre Proust un peu partout, comme vous dites, on fait quoi alors? Alors on cherche, mademoiselle, on cherche. On continue à chercher. Pensando cada día, cada hora. Agence matrimoniale de Laetitia Bianchi. Avec Christiane Cohendy, Ingrid Donadieu, et la voix de Marlène Goulard. Bruitage Bertrand Amiel. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Équipe de réalisation Pierre Mine, Manon Houssin, Clémence Grosse, Laure Egoroff.